L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Bernard Toublanche, président de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas encore, l'Apostrophe, la scène nationale, est une association présidée avec un conseil d'administration qui en assure la gestion, la direction. Comment se dire les mots, Bernard Toublanche ? Effectivement, l'Apostrophe est de structure associative et au sein du conseil, il y a bien entendu les partenaires, hein, donc la communauté d'agglomération, l'État par la DRAC qui est très présente et le conseil départemental. Il y a auprès d'eux des membres associés qui représentent la société civile et le président est un des leurs, hein, des membres associés. C'est à ce titre que j'ai été président il y a un certain temps et que j'en suis revenu le président compte tenu du contexte de la conjoncture actuelle. Vous connaissez bien cette maison et le projet artistique qui a été développé au fil du temps ici sur Cergy-Pontoise et dans le Val-d'Oise. Alors, je le connais très très bien puisque je suis pontoisien, cergy-pontin, vexinois depuis 1970. Et j'ai toujours été un spectateur assidu de l'OMC, du CAC et de la scène nationale. Je suis rentré au conseil d'administration, je crois, dans les années 90. Et j'en avais pris la présidence en 94. 99 arrive Jean-Joël Le Chapelain. Et il y a eu une grande complicité et un profond attachement à la maison. Et puis, comment dire, une certaine admiration pour le projet artistique qu'a mené Jean-Joël. C'est pourquoi, après réflexion, j'ai accepté sans difficulté de reprendre la présidence il y a quelques mois. Septembre 2016, ce coup de théâtre, en tout cas en apparence, retranscrit dans la presse locale, en particulier chez nos confrères de la presse écrite, la Gazette du Val-d'Oise et Le Parisien, ce projet de fusion entre la scène nationale, l'Apostrophe, et le Théâtre 95. Des annonces qui ont été faites par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à l'occasion de l'ouverture de saison au Théâtre 95. Alors, qu'en est-il ? Une surprise pour l'Apostrophe, la scène nationale, ou est-ce que c'est une nouvelle étape dans l'institution qui est celle que vous présidez aujourd'hui ? Surprise pour le grand public, sans doute, mais pas pour les professionnels et pas pour le conseil d'administration. Le projet que nous menons actuellement, en fait, est défini depuis de nombreuses années. Il est dans les esprits des élus, des partenaires financiers et des professionnels de la culture depuis une décennie, pour ne pas dire plus. Et pour des raisons diverses qui n'apporteraient rien aujourd'hui, n'a pas pu être mis en place. Mais dès l'instant où la communauté d'agglomération a remis le métier sur l'ouvrage et a fait un audit récent qui a dû être évoqué dans la presse, le cabinet ABCD, je crois. Donc un audit qui a rendu des conclusions assez proches de ce qui était dans les tuyaux depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire le rapprochement des deux structures. Le président Dominique Lefebvre s'est investi personnellement. Moi, j'ai été élu président en juin. Dès l'été, j'ai pris contact avec le président de la communauté d'agglomération, le président Arnaud Bazin et la DRAC. Et les trois partenaires m'ont tout de suite montré que ça concertait très bien, si j'ose dire, que tout le monde était bien au courant du projet, le partageait. Et donc, il y a eu une accélération de l'histoire à la rentrée. J'ai vu le président Dominique Lefebvre. On a fait un comité des tutelles qui, au sein de notre structure associative, est l'instance suprême, puisqu'elle réunit les trois partenaires financiers autour de la structure. Et très, très, très rapidement, au cours de cette séance, tous les points ont été abordés qui facilitent et qui entérinent le rapprochement des deux structures. Nous avons eu un conseil d'administration avant-hier qui a validé et précisé certains points dans les modalités pratiques. Donc quelque chose qui était dans l'esprit, un projet qui préexistait et qui s'est cristallisé à partir de l'audit et qui s'est mis en place à partir de septembre. Ce n'est pas donc uniquement des raisons financières, économiques qui ont justifié cette nouvelle étape ? Non, peut-être qu'au fil du temps, bien sûr, avec les diminutions des subventions de la puissance publique, bien sûr que ça pouvait être plus pertinent. Mais à l'origine, ce n'était pas des considérations financières qui avaient amené, il y avait sur cette belle ville nouvelle de Cergy en pleine croissance, une volonté de rapprocher deux structures qui étaient complémentaires autour de la scène nationale qui, elle, par son label, par son existence spécifique, par toutes ses, comment dire, ses spécificités propres de scène nationale, je crois que c'est venu rapidement dans l'esprit des dirigeants et des professionnels de la culture locaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, le fait que les dirigeants aient trouvé un accord sur leur situation personnelle a aussi facilité et accéléré le processus. Alors, entre-temps, effectivement, il y a eu des transformations du côté du Théâtre 95 en particulier. Quand vous évoquez un projet initial qui remonte à plus de 10 ans, entre-temps, il y a eu un agrandissement, une transformation du Théâtre 95. C'est l'occasion aujourd'hui et pour demain de mutualiser tous ces moyens, d'abord physiques, et de mutualiser aussi deux équipes qui vont devoir apprendre à travailler ensemble. Oui, bien sûr. Bien sûr, le rapprochement, enfin, sur un plan matériel, le Théâtre des Arts va être affecté au conservatoire. Les deux salles du Théâtre 95 deviennent au sein de la nouvelle structure de la nouvelle scène nationale. Et bien sûr, le Théâtre des Louvrets. Sur le plan social, bien entendu, les deux équipes sont amenées à travailler ensemble. Donc, on envisage une équipe de plus ou moins 30 personnes, si j'ai bien compris. Les deux équipes sont parfaitement informées. En termes de projet, en termes de mise en place, en termes d'information des personnels, en termes de modalités pratiques de rapprochement, tout est en cours de réalisation sans aucune difficulté à ce jour. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir, ou il y a déjà, redéfinition du projet artistique futur de la scène nationale, du fait de deux institutions qui se rapprochent, projet qui va aller jusqu'à la fusion, à terme, c'est bien ça ? Bien entendu, oui, oui. Déjà, la scène nationale, par son organisation, le directeur fait un contrat d'objectifs et de moyens qui se fait en fonction de la politique culturelle définie par les politiques. Mais en l'occurrence, avec la fusion, bien entendu, il y a une... naturellement, j'allais dire une obligation, c'est pas le cas, naturellement, il y a une redéfinition des objectifs culturels des financeurs, de la communauté d'agglo, de l'État et du conseil départemental, et le projet du futur directeur, puisqu'il y aura la nomination d'un futur directeur, se fera à partir du projet que lui-même définira selon les objectifs de politique culturelle des tutelles. Nouveau directeur, ça veut dire, pour ceux et celles qui nous écoutent, que les deux précédents directeurs, chacune sur leur institution, ne participeront pas à ce futur projet. Au projet, si, mais ne seront pas les acteurs de la mise en place. Mais bien entendu, au contraire, et c'est ce qui est formidable, c'est que les deux dirigeants en place ont accepté de s'investir, de travailler et de construire ce merveilleux outil sur l'Ouest francilien. En ce qui concerne le directeur de l'apostrophe, Jean-Joël Le Chaplin, c'est lui qui a la charge de définir la saison de 2017-2018. Je m'en mêle un peu les pinceaux comme c'est sur deux exercices. Donc le calendrier est proche pour ceux et celles qui nous écoutent également là. C'est demain quoi. Exactement. Et en ce qui concerne le Théâtre 95, la structure SCOPE qui est le support du Théâtre 95 disparaît au 31 décembre 2017, ce qui fait que le nouveau directeur qui est censé arriver, si notre calendrier est respecté, au début de l'été 2017, aura progressivement la prise en charge des équipes et faire fonctionner, à partir du travail qui aura été fait par Jean-Joël sur la définition, la présentation de la saison 2017-2018, Joël Dragutin ayant, lui, un statut un peu à part qui a été défini préalablement. D'auteur en résidence, c'est ça ? Voilà, oui, pour parler rapidement, oui, c'est un peu ça, sur 3 années, avec un minimum de cahier des charges de présentation de spectacle. Dernière chose, parce qu'effectivement, on ne l'a pas évoqué pour l'instant, mais il est capital, sans le public, autrement dit, sans les habitants, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'institution culturelle, culturelle. Alors, quel est le futur pour justement les habitants de ce territoire et plus largement du Val d'Oise, parce que la scène nationale rayonnait sur ce département et au-delà même. Quel est le futur justement dans ce... Quelles sont la finalité, ça sera quoi pour les spectateurs? Ils auront une nouvelle scène nationale. Avec de nouvelles ambitions. Avec de nouvelles ambitions, avec des moyens considérables, avec plus de jauge, avec plus de budget, avec une redéfinition, comme je l'ai dit tout à l'heure, du projet, un nouveau directeur avec de nouveaux objectifs. Mais là, je laisserai plus volontiers la parole à Jean-Joël si votre question est de dire qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de public, en termes d'évolution. Et surtout, peut-être profiter, Jean-Joël Le Chapelain, de donner votre sentiment, votre regard sur un projet qui va être à nouveau en évolution. Je parlais de nouvelles étapes à franchir. Nouvelles étapes, finalement, de quelle manière vous allez, vous, apporter votre contribution? Oui, tout a été dit sur le registre par le président Ménard Toublan. C'est-à-dire que c'est un projet qui était en effet attendu depuis longtemps. Tous les acteurs culturels ou les spectateurs proches des institutions et du spectacle vivant l'appelaient d'une certaine façon un peu de leur vœu. Mais même sans aller jusque-là, ça tombe un petit peu sous le sens qu'une agglomération de l'envergure, de la capacité de Cergy-Pontoise soit dotée d'un outil qui soit un peu à l'image de la politique qu'elle veut mener, y compris dans le champ culturel, puisque la structure qui va sortir de là, qui est le prolongement naturel de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, vise finalement à, par l'adjonction des moyens, à donner véritablement un pôle très significatif, comparable à ce que peut-être en Ile-de-France, la Maison de la Culture de Bobigny ou la Maison des Arts de Créteil. Donc on est dans ce registre de moyens consacrés à l'art et à la culture, et les nouvelles orientations qui sont données par la puissance publique, les trois qu'a cité le président Toublan, la communauté d'agglomération, le ministère de la Culture et le conseil départemental, visent à amplifier la présence territoriale. Il vise à développer les actions en matière d'innovation artistique, culturelle et sociale également. Il y a cette préoccupation qui est introduite, enfin qui est réaffirmée plutôt dans le projet des attentes des tutelles, et puis le développement d'un pôle sur la diffusion nationale et internationale, étant entendu qu'on ne parle pas de la création stricto sensu là, mais qu'évidemment tout ça suppose, avec les moyens qui sont ceux de trois salles, hein, il y a donc un équipement de plus dont est dotée la scène nationale, qui de sorte à trois capacités différentes. Donc avec ces trois équipements, 150, 380 et 550 places, le moyen de répondre et d'avoir de répondre aux ambitions qui sont affichées, et puis de donner une véritable lisibilité nouvelle à l'agglomération de Cergy-Pontoise. Parce que c'est souvent des critiques qui ont pu être faites par incidence sur une lisibilité discutable de cette politique. Là, je crois que l'agglomération remet d'équerre les choses, et je trouve que c'est vraiment à saluer complètement. Et évidemment, on ne verra pas la traduction complète de ce projet la semaine prochaine, même si le travail est fait pendant dans plusieurs mois et pour plusieurs années. Mais de toute évidence, il sera très évident dès la rentrée prochaine, probablement par quelques petits signes, mais surtout à partir du projet du nouveau directeur qui sera adopté par choisi, et dont le projet sera adopté par les tutelles pour la saison donc 2018-2019, où là, ça sera complètement lisible sur le plan public, je pense. Directeur ou directrice. Ou directrice, oui, parce qu'on en effet. Sait que dans ce monde-là, dans ce milieu, on parle souvent masculin. Oui, c'est d'ailleurs l'un des problèmes. Il est heureux de souligner cet aspect, puisque en effet, dans les 70 scènes nationales, il y a que très peu de femmes, hein. Il y a moins de 10% de femmes, elles doivent être 5 ou 6, je crois, sur les 70, c'est dire. Et donc là, le ministère de la Culture a engagé depuis longtemps une sensibilisation et impose aujourd'hui, depuis 5 ans, la présence de candidats des deux sexes pour équilibrer les choses et faire en sorte que la parité ne soit pas qu'un mot sur un bout de papier. Merci de ces précisions, merci de ces informations en direction du public, des fidèles de l'apostrophe comme du Théâtre 95 sur ce territoire et des futurs spectateurs, plus nombreux encore, à rejoindre et à adhérer, à participer à ces programmations artistiques et culturelles. Merci.